Ici Jacques Beauchamp, aujourd'hui l'histoire Starmania, l'opéra rock de Michel Berger et Luc Plamondon. On a travaillé beaucoup sur l'histoire au départ, et puis on a mis un bon 6 mois avant d'arriver à faire une chanson ensemble qui nous satisfaisait. Mais on s'est dit, si on arrive à faire 15 bonnes chansons, on est sûr d'avoir un bon spectacle, on est sûr de pouvoir bâtir un bon spectacle autour de ça. Le parolier Luc Plamondon à l'émission Au fil des arts en septembre 1978. Si on arrive à avoir 15 bonnes chansons, on est sûr d'avoir un bon spectacle, dit Luc Plamondon dans cet extrait. Son instinct ne l'aura pas trompé. Starmania est devenu l'un des plus grands succès sur disque et sur scène de l'histoire de la chanson française. Et de bonnes chansons, il y en a dans Starmania, de très, très bonnes chansons même. Le Monde est Stone, le Blues du Businessman, Monopolis, La Complainte de la Serveuse Automate, Les uns contre les autres et quelques autres encore. Et qu'est-ce que ça représente maintenant, Starmania, qui est sur scène, qui est montée, qui est rodée? Dans ce métier-là, rien n'est jamais accompli. Tout est toujours à recommencer. Alors les chanteurs, eux, maintenant, ils vivent l'aventure sur scène. Moi, maintenant, c'est le moment où je me retire. Je leur garde le show depuis une semaine et c'est comme un accouchement pour... C'est fait maintenant, bon ben c'est là, ça existe, ça marche, les salles sont pleines, le show est beau, je suis content. Et les critiques sont bonnes? Ben oui, et là maintenant qu'il existe ce spectacle, moi je suis en train maintenant de discuter. Là on le prépare pour le Stade Olympique, et ensuite on prépare le film qui va se faire l'année prochaine, vraisemblablement aux États-Unis, on prépare la version anglaise, on prépare le disque en anglais, Pour moi, c'est pas fini, c'est juste une... Je m'aperçois, une fois qu'il est sur scène, que c'est juste une étape. Luc Plamondon au micro de Francine Grimaldi au moment des premières représentations de Starmania sur scène à Paris en avril 1979. Luc Plamondon, vous l'avez entendu, a de grandes ambitions pour son opéra rock Starmania. Certaines vont se réaliser, d'autres pas, mais il reste que la carrière de Starmania va être longue et brillante. Pour nous raconter l'aventure de Starmania, je reçois la journaliste culturelle Marie-Christine Blais. Marie-Christine Blais, bonjour. Bonjour, Jacques. Où situer, Marie-Christine Blais, l'importance de Starmania dans l'histoire de la musique française? Eh bien, près de 40 ans plus tard, on en parle encore. Ouais. C'est déjà quand même un bon indice. Depuis 1978, c'est vraiment une œuvre à géométrie variable qui s'est adaptée, qui était prémonitoire et qui est devenue de plus en plus actuelle. Ce qui fait que, hormis des chansons très fortes, les thématiques abordées dans Starmania sont devenues de plus en plus vraies, de plus en plus possibles ou en tout cas même réalisées. Starmania, justement, devient concret, se réalise dans la vraie vie. En 78-79, cette idée, par exemple, d'un politicien qui marie une vedette de la chanson, on trouvait ça assez cute, assez drôle même. Eh bien, quelques années plus tard, Nicolas Sarkozy a épousé Carla Bruni. Et puis, enfin, c'est devenu quelque chose d'assez commun, les mariages, dans tous les sens du terme, entre politiciens et vedettes du petit et du grand écran. C'est une œuvre qui, sans le savoir sans doute, parlait de nous aujourd'hui, mais il y a 40 ans. Et la force des mélodies de Michel Berger, couplée au texte très fort et très violent, très, très violent par moment, de Luc Plamondon, ont traversé le temps. C'est intéressant que vous parliez de la violence de ces textes parce que dans l'extrait qu'on entend tout de suite, il en parle, il est conscient, il veut faire, Luc Plamondon, l'univers qu'il décrit dans Starmania, c'est justement un univers de violence, il le sait, c'est l'objectif. Mais qu'est-ce que c'est que cette Starmania, hein, dit l'une des chansons de l'opéra rock de Plamondon et Berger? On écoute Luc Plamondon nous parler de ce que c'est que cette Starmania. Qu'est-ce que c'est que cette Starmania? C'est un show sur la violence dans une grande ville actuelle. Ça se passe dans une ville qui s'appelle Monopolis, qui est la nouvelle capitale de l'Occident. c'est le refus d'une société où tout est uniformisé, où tout le monde est numéroté, où tout le monde devient... où pour être un individu, c'est de plus en plus difficile. Alors, de là, le titre Starmania, parce que finalement, les gens, pour être des individus, sont obligés de se battre, de devenir des stars, chacun dans son domaine, que ce soit le chef terroriste ou le politicien. Ils sont tous des vedettes. Sinon, ils sont incognito, ils sont dans des kidam. Bon. Donc, c'est un peu une critique du monde vu comme un star système où il faut être une star ou on n'est rien du tout. J'aurais voulu être un artiste. Qu'est-ce que ça raconte? On en a une petite idée, mais plus encore, en quelques mots quand même. Qu'est-ce que ça raconte, Starmania, Marie-Christine? Donc, à Monopolis, il y a Zéro Janvier qui veut devenir le nouveau... Claude Dubois. Oui, exactement. Qui aurait voulu être un artiste. Qui aurait voulu être un artiste, qui veut mener l'Occident, diriger l'Occident, et qui est l'ennemi d'un groupe de zonards, les Étoiles Noires, dirigés par Sadia. Et il essaie de... Zéro Janvier veut faire régner l'ordre. Rien de moins, à cette ère atomique, comme il chante. Et donc, il va y avoir, bien sûr, une confrontation. Et en parallèle, il y a l'ancêtre de la télé-réalité qui est évoqué dans Starmania, puisqu'il y a une émission de télévision où on peut aller montrer nos talents. Et c'est comme ça que on rencontre Johnny Roquefort, on rencontre Ziggy. Et à cette émission, il y a Crystal qui anime, qui va avoir un coup de foudre pour Johnny Roquefort, qui va être kidnappé par les Étoiles Noires. Bref, il y a un affrontement entre, d'une certaine manière, l'ordre un peu presque nazi, parce que c'est un peu là, et des gens qui essaient de sortir, des démunis qui essaient de sortir de l'ombre. Et ça va très mal se terminer. À peu près tout le monde meurt, sauf Zéro Janvier, qui est bien sûr élu à l'unanimité. Ouais. C'est déprimant. Et on revient, c'est très noir, c'est très violent. Ah oui, tout à fait. Mais on revient à ce côté tellement actuel. Il a Zéro Janvier, juste pour faire image, il a une tour. Cet homme, ce milliardaire très puissant qui veut devenir une tour dorée. Politicien. Oui, une tour dorée qui ne peut... On ne peut que penser à la Trump Tower, il faut bien le dire. Et il va décider donc de s'allier avec Stella Spotlight, qui est qui est une vedette qui a connu une énorme carrière, mais qui peu à peu vieillit. Et là, Carla Bruni à lui. Donc. Voilà. Donc, le spectre de la vieillesse comme défaut majeur, vraiment faute qu'on ne peut pardonner, apparaît également dans Starmania. Et tout ça, donc, fait qu'on se trouve dans un univers qui, à certains égards, ressemble à ce qu'on vit aujourd'hui. Il y a tout le monde underground. Donc, tous les gens qu'on connaît peu, qui sont plus violents, plus démunis, qui sont un peu les sans-papiers qui apparaîtront dans Notre-Dame de Paris. Donc, tous ces gens-là sont en butte à une espèce de cartel, de monopole. Deux mondes qui s'affrontent. Tu vas avoir raison d'eux, en fait. Les Étoiles Noires, ça pourrait, dans notre contexte, facilement, ce terrorisme, évidemment. Bien ça sûr. Pourrait être Daesh, l'État islamique. Exactement. Ou autre chose. Exactement. Ouais. Ou toutes les forces brutales qui ne cessent d'exploser dans les banlieues européennes parce que les gens ne sont pas bien. Tous les camps de réfugiés où ça va vraiment mal. Tous ces gens-là qui sont en but à une vie. C'est Marie-Jeanne qui chante « Ma vie ne me ressemble pas ». Et c'est exactement ce que tous les pauvres gens chantent, alors que Zéro Janvier lui décide qu'il a la vie qu'il veut. Et puis en parallèle, évidemment, il y a tout, puis on n'ira pas là parce qu'on n'a pas le temps, mais il y a toutes ces histoires. Il y a de l'humanité tout le temps, partout. Tout le long. Chacun a son drame, grand ou petit. Oui. Histoire d'amour qui ne pourra jamais connaître... Le dénouement. Dans la première version, il y a même un évangéliste et un gourou qui vont disparaître. Mais à l'époque, parler de cette espèce de mainmise religieuse, secte, etc., c'est tout à fait improbable, alors que depuis, ça s'est révélé souvent vrai, malheureusement. Ce projet-là, Starmania, Marie-Christine Blais, au départ, Plamondon n'est pas encore là. Au départ, c'est l'idée de Michel Berger. Oui. Il a d'ailleurs, au tout début, c'est un petit peu l'affaire Patricia Hearst qui l'allume. Il a d'abord fait un conte musical qui s'appelle Émilie ou La Petite Sirène. C'est très joli, mais bon, ça va très loin. Il décide de faire Angelina Dumas, ça va s'appeler comme ça, qui est donc une espèce de comédie musicale où c'est s'inspirer effectivement d'une, donc de cette héritière d'un milliardaire américain qui a réellement été kidnappé et qui a pris fait et cause pour la cause de ses ravisseurs et qui a été à son tour un peu Robin des Bois exactement et qui a été à son tour recherché par le FBI. Ouais. Donc à partir de ce personnage là donc qui est tout à fait riche et qui décide de prendre fait et cause pour les pauvres et tout, il décide de faire quelque chose. Mais Michel Berger est quelqu'un d'extrêmement doué en termes de mélodie. On peut pas dire que c'est quelqu'un qui est habité par la violence quand vient le temps d'écrire. Donc, ça marche pas vraiment. Et il va donc faire appel à Luc Plamondon, qui a une plume beaucoup plus virulente, surtout à l'époque. Pourquoi il se tourne? Et comment ça se passe, la rencontre? Et pourquoi il se tourne vers Plamondon? C'est tellement extraordinaire. France Gall, qui est donc l'épouse de Michel Berger, lui fait écouter Diane Dufresne, parce qu'elle trippe d'aplomb sur Diane Dufresne. On est dans les années 70. Et à l'époque, pour vous donner une idée, vers 73, Plamondon a écrit pour Diane Dufresne le disque « À part de ça, je me sens bien », sur lequel il y a les chansons « La fin du monde est pour aujourd'hui »,« Attention la terre », »,« Le dernier show », »,« Le cirque est fini », »,« Valse triste », »,« La marche nuptiale des condamnés à mort ». C'est un des plus beaux et des plus méconnus disques de Diane Dufresne, tellement désespérant. Il est question de la pollution, de la fin du monde, de la guerre atomique. Et c'est ça qu'entend Michel Berger. Il entend également aussi Le monde est fou que René Claude a chanté, qui est devenu en version plus courte Ne tuons pas la beauté du monde, que Diane Dufresne a chanté plus tard. C'est en 73 que Plamondon écrit ça en l'honneur de la poétesse Huguette Gaulin qui s'est vraiment brûlée, là, qui s'est immolée pour protester contre la violence du monde. Il lit ça, écoute, il pogne de quoi en bon québécois? J'ai trouvé mon homme et il l'appelle en pleine nuit parce qu'il a oublié qu'il y avait un décalage horaire. Et pendant 18 mois, ils vont tous les deux écrire, chercher, trouver, ne rejeter, recommencer. Ils veulent tous les deux faire des comédies musicales parce qu'ils sont convaincus que c'est comme ça qu'il va avoir une œuvre qui va durer après. Tous les deux sont allés aux États-Unis, ont vu des comédies musicales. Exactement. Ont eu la piqûre. Exactement. Ils ont 5 ans de différence d'âge. Plamondon, non, en 42, Berger en 47. Tous les deux vont à peu près en même temps à New York et découvrent les comédies musicales. Le disque est lancé en octobre 78, Marie-Christine Blais. La version sur scène, le spectacle arrive en avril 79. Pourquoi, je ne sais pas si c'était délibéré, pourquoi un disque avant, disque concept évidemment, avant le spectacle? Comme le dit Plamondon, au départ, ils ont de la difficulté avec l'histoire. Ouais. Et d'ailleurs, il n'y a pas vraiment de livret. Dans la première version, même dans ce qui est monté sur scène en 79, l'histoire est un peu bancale. Ça, c'est pas fluide. Il n'y a pas une tradition d'écrire des musicals en français. Donc, ils sont partis de ce qu'ils connaissent, écrire des très bonnes chansons. Oui. Donc, ils essaient de construire une histoire à partir de très bonnes chansons. Ça va prendre des années, en fait, pour dire qu'il y a vraiment un livret solide qui émerge de cette histoire-là. Donc, ils font un disque. Tout le monde se met à fredonner ces chansons-là. Ça marche tout de suite. Ah, ça marche. Mon père s'est réveillé une nuit en écoutant Le Monde des Stones. Il était dans son lit, il a entendu ça. Le lendemain, il est allé acheter le disque pour qu'on entende ça, parce qu'il avait eu un choc. Alors, je pense que tout le monde à l'époque a eu un choc en entendant cette chanson. On l'écoute, justement, Le Monde des Stones, chanté par Fabienne Thibault. Puis on écoute aussi Plamondon. Surtout, vous allez entendre un petit peu, mais à peine, Michel Berger parler de cette chanson et de la façon dont l'interprète Fabienne Thibault. J'ai cherché un thème très moderne, comme ça s'appelle Le Monde des Stones. Ça serait évidemment facile de chanter Le Monde des Stones sur une musique funky ou sur une musique rock, mais de chanter Le Monde des Stones sur une musique hyper lyrique, ça devient quelque chose de beaucoup plus original, je crois. Et la voix de Fabienne Thibault est absolument fabuleuse dans cette chanson-là. Fabienne, qui a une formation de voix pratiquement classique et qui a un registre de chanteuse d'opéra qu'elle exploite pas vraiment d'habitude. Et on a découvert, nous, qu'elle avait vraiment un registre de chanteuse d'opéra. Mais ce qui est merveilleux, c'est qu'elle chante avec un registre de chanteuse d'opéra avec le plus grand naturel du monde, comme si elle parlait, dit son texte. Elle chante le texte avec une diction de tous les jours, mais dans un registre de chanteuse d'opéra. J'ai la tête qui éclate, je voudrais seulement dormir, m'étendre sur l'asphalte et me laisser mourir. On comprend tous, Marie-Christine Blais, votre père, d'être allé acheter ce disque après avoir entendu cette chanson. Ah oui. Mais il y en a, c'est une chanson extraordinaire. Oui. Il y a de grandes, grandes chansons et dans ce spectacle, dans ce, sur ce disque. Et non seulement de grandes chansons, mais de grands interprètes. Oui. Parce que c'est là aussi, et je pense que c'est aussi une des raisons pour lesquelles ils font un disque d'abord, et le phénomène va se répéter d'ailleurs dans toutes les versions après, ils choisissent d'abord de très, très bons chanteurs. Claude Dubois, Diane Dufresne, Fabienne Thibault, Nanette Workman est là, France Gall et Daniel Balavoine du côté français. Et ces voix qui portent... Claude Dubois, quand il chante le blues du businessman, tout le monde se rappelle pratiquement la première fois qu'il l'a entendu. Mmh. Tellement le mariage de la chanson et du chanteur est fort. Donc, il va y avoir comme ça différentes versions qui vont exister et qui vont, je pense par exemple à justement Monopolis ou Les uns contre les autres. Ce sont des chansons qui parlent de la difficulté de vivre dans les milieux urbains. Il n'y a pas tant de chansons en 78 sur le sujet. Il y a quelque chose d'universel aussi. Complètement. Qu'on soit à Paris, Dakar, Montréal. C'est ce qu'ils chantent. Ouais. On est partout pareil. Ouais. On est... Et puis, il y a cette phrase incroyable. L'univers est un star système. Voyez-vous toute la force de Plamondon juste dans cette phrase. Donc, l'univers au complet, le vrai univers est composé d'étoiles. C'est effectivement un système stellaire. Mais notre univers à nous est composé de stars, il faut être une star pour marcher. Il y a, tous les textes ont comme ça des différents niveaux de lecture et d'analyse possibles. Donc, ce qui fait qu'encore aujourd'hui, on peut y trouver d'autres sens. Donc, c'est parti avec le lancement de ce disque. Et puis, quelques mois plus tard, arrive cette première production, parce qu'au départ, c'est fait pour être vu, monté bien sur sûr, scène. Oui. Donc, comment s'est accueillie cette production à Paris, la première à Paris, en avril 79? C'est bien accueilli surtout par le public. La critique est un peu plus mitigée, notamment justement parce que le livret n'est pas tout à fait encore au point. Et puis, ce sont des chanteurs et non des comédiens-chanteurs. La grande tradition de Broadway, c'est d'avoir des gens qui sont aussi forts en danse, en chant et en jeu. Là, c'est pas tout à fait ça. Puis on peut dire que la production, la première, n'est pas la plus grande. Non plus. Ah, non, ils sont avec leur micro à la main parce que. Mais c'est le début, puis il y en aura plein d'autres. Il y en aura plein d'autres. Un an plus tard à Montréal, ça va retourner à Paris, il y aura plein de productions. Et puis à chaque fois, il va y avoir des interprètes qui vont attirer l'attention, que ce soit Martine Sinclair, Jean Leloup, les frères Groux, Marie-Carmen. Ils sont tous joués à un moment ou un autre dans une version de Starmania. Ouais. Donc ça attire aussi un public qui aime ces artistes-là. En français, je pense qu'on peut dire que ce n'est pas la première production qui sera la plus grande. Il y en a deux, en fait. Il y a celle de 88-89 qui est vraiment... je l'ai regardée à Paris. Je l'ai re-regardée et vraiment, elle a quelque chose. Elle est mise en scène par Berger et Plamondon. Bon, évidemment, les moyens technologiques ne sont pas les mêmes à l'époque, mais ils réussissent à faire quelque chose qui marche bien et qui va être présenté plusieurs fois. Si vous voulez la voir, d'ailleurs, on peut la regarder sur Internet. Elle est presque en intégrale. Ouais. Et ça s'appelle, en fait, généralement, vous la chercherez avec le mot « rouge ». On l'appelle la version « rouge » de Starmania. Et parce que les éclairages sont rouge. Et c'est vraiment une version qui va avoir beaucoup, beaucoup de succès. Et puis celle, quelques années plus tard, mise en scène par Lewis Ferry. Qui, elle, va vraiment fracasser des records. En 93, Lewis Ferry va en faire une version qui va jouer ici, en Europe, en Asie, un peu partout, jusqu'en 2001. Des millions et des millions de gens vont voir cette version qui est beaucoup plus fluide. Il reste encore des choses qui accrochent, mais c'est quand même beaucoup plus fluide. Le passage du temps a enlevé peut-être certains irritants et puis a facilité un peu l'histoire, mais surtout, l'histoire est devenue vraie. Ce qui semblait ce qui semblait tout à fait improbable en 78, sais-tu, en 1993, c'est pas mal ça qui arrive. Donc, cette production de mise en scène par Lewis Ferry qui va vraiment se promener beaucoup, parcourir beaucoup le monde, ça nous amène à parler de Starmania dans le monde. Et Starmania dans le monde, ça va vouloir dire ce qui suit. We'll be right back. nous ne porterons pas de jugement sur ce que nous venons d'entendre. Écoutez, les chiffres parlent. Vox Populi, Vox Dei, cette interprétation de Cyndi Lauper en 92 du Monde des Stones en anglais va se retrouver en tête des ventes aux États-Unis, mm-hmm. Marie-Christine Blais. Oui, Tycoon, donc la version anglaise de Starmania, ouais. a droit à sa version anglaise par Tim Rice, qui n'est pas rien, et va être effectivement en disque, va connaître un grand succès. En anglais, elle ne sera vraiment jamais jouée sur scène dans l'univers anglo-saxon. Elle sera jouée par la troupe française de 93-94 à Paris le vendredi. Ils la jouent en anglais. Il y a une version allemande aussi qui est née. Moi, j'ai vu une version créole, mi-créole, mi-française, où le blues du businessman est devenu un reggae. C'est vraiment fascinant parce que la musique de Michel Berger est tellement forte qu'elle peut être arrangée de différentes façons. Ce qui certainement fait la force de cette œuvre-là, c'est quand elle est jouée avec des vrais musiciens et quand il va y avoir enfin, à partir de 2004, une version opéra de l'opéra rock. Parce que ça, c'est la dernière mouture. C'est la dernière mouture. C'est vraiment celle qui est peut-être la plus vibrante. Sans doute parce que Michel Berger a écrit à partir de ce qu'il est, c'est-à-dire une connaissance de la musique classique réelle. Ouais. Donc, écrit pour des voix qui sont capables d'aller chercher des notes. Et j'ai vu notamment Marie-Josée Laure faire une Marie-Jeanne aussi touchante que Fabienne Thibault. Ouais. Et ça marche quand Ziggy chante dans la version rock, c'est « Je voudrais devenir un chanteur rock ». Dans la version opéra, ça devient « Je voudrais devenir un chanteur baroque ». Ça marche aussi. Mais c'est une des forces de cette œuvre-là, c'est qu'elle est multiforme. Oui, elle est modulable, voilà. Si je puis dire. Elle s'adapte à ce qu'il y a alentour d'elle. Elle se prête à différentes versions, à différentes époques, à différentes visions du monde, mais on en revient toujours fondamentalement à une dénonciation de l'univers urbain, vraiment désacralisé, où l'argent règne et où, Dieu merci, il y a une Marie-Jeanne qui cherche le soleil. Et à de sacrées bonnes chansons. D'exceptionnelles chansons qu'on chante encore aujourd'hui. Marie-Christine Blais, journaliste, amie de l'émission, merci beaucoup. Merci, Jacques. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.